Bonjour, voici la lecture d'un nouveau texte traduit par le collectif Cabriole 12 et qui fait partie d'un dossier consacré cette fois-ci à la notion de travail vis-à-vis du Covid. Ce texte s'intitule « Le Covid long détruit les rêves de retraite de millions de personnes ». C'est un texte de Nicole Lynn PSC. L'introduction dit « Beaucoup de personnes atteintes de Covid long se retrouvent dans des communautés mal desservies et marginalisées qui soit ne peuvent pas accéder à un diagnostic de Covid long et ne peuvent pas accéder aux options de traitement qui sont encore relativement minimes, soit ne savent toujours pas qu'elles sont atteintes de Covid long parce que les messages de santé publique ne sont vraiment pas là. Les gens veulent oublier le Covid rapidement, mais c'est définitivement un problème de santé publique à long terme. L'autrice Nicole Lynn PSC est basée à New York et elle est responsable de l'information pour Dow Jones et pour MarketWatch. Voici donc son texte. Il y a 2 ans, Cathy Spencer, 58 ans, professeur de mathématiques, motocycliste et mère de 2 enfants, avait prévu de guider des élèves de collège en géométrie jusqu'à 70 ans. Mais aujourd'hui, Madame Spencer, de Kensington, dans le Connecticut, est confrontée à la possibilité réelle que le Covid long l'empêche d'entrer à nouveau dans une salle de classe. Elle a toujours besoin d'un supplément d'oxygène et a du mal à parler en raison de l'hypoxie, un manque d'oxygène dans le cerveau. Elle souffre de tremblements dans la tête, les bras et les jambes, et qui peuvent être déclenchés par le fait de parler, et elle éprouve une fatigue invalidante. Elle dit « Nous rencontrons notre conseiller financier et notre comptable pour prendre des décisions très difficiles sur la façon dont mon mari et moi devons modifier nos objectifs et nos plans financiers. C'est une lente prise de conscience que cela ne va pas disparaître. » L'idée que Spencer se faisait de ce que serait sa vie à 70 ans a radicalement changé. Elle fait partie des millions de personnes qui souffrent de troubles post-Covid pendant des semaines, des mois, voire des années après leur infection initiale au Covid-19. Et c'est ce que l'on appelle communément le Covid long. Et les symptômes comprennent la difficulté à respirer ou l'essoufflement, la fatigue ou l'épuisement, des symptômes qui s'aggravent après une activité physique ou mentale, et des difficultés à penser ou à se concentrer, parfois appelées brouillard cérébral. Certains de ces patients et patientes subissent également des dommages à plusieurs organes, notamment le cerveau, le cœur, les poumons et les reins. Les études estiment qu'entre un quart et un tiers des patients et patientes atteints et atteintes de Covid-19 développent un Covid long, et que ces personnes aient été gravement malades, légèrement malades, ou qu'elles n'aient présenté aucun symptôme lors de leur infection initiale par le Covid. Ainsi, avec 81,5 millions de cas de Covid-19 et plus rapportés aux États-Unis, cela suggère que plus de 20 millions d'Américains et d'Américaines ont connu le Covid long à différents degrés de gravité. D'autres données recueillies et analysées montrent qu'un nombre croissant d'Américains et d'Américaines sont traités pour le Covid long. Le docteur Monica Verduzco-Gutierrez, médecin spécialiste de la réadaptation à la clinique Covid long de l'University of Texas Health Science Center à San Antonio, a déclaré dans une interview que les symptômes du Covid long ont été dévastateurs pour la vie et les moyens de subsistance de ces patients et patientes. Elle dit « Pour mes patients et patientes souffrant de Covid long, c'est un travail à plein temps pour se sentir mieux. » Elle énumère les médicaments quotidiens, les pratiques respiratoires, la thérapie physique et les exercices cognitifs nécessaires juste pour être capable de fonctionner un petit peu. Cela peut vraiment changer le cours de la vie d'une personne, a-t-elle ajouté. Une vaste étude portant sur plus de 273 618 survivants et survivantes du Covid est publiée dans PLOS Medicine et a révélé que le risque de Covid long était plus élevé chez les patients et patientes plus âgés, avec 61% des personnes de plus de 65 ans souffrant de difficultés respiratoires, de brouillard cérébral et de perte de mémoire, ainsi que de douleurs musculaires et d'épuisement. Nous nous sommes entretenus avec une douzaine de patients et patientes atteints et atteintes de COVID-19, dont beaucoup ont plus de 50 ans et qui ont contracté le nouveau coronavirus en 2020 et qui souffrent toujours de symptômes invalidants. Chacun et chacune d'entre eux a décrit une fatigue chronique et un brouillard cérébral à des degrés divers qui nuisent à leur capacité de travailler et de sociabiliser comme Yael le faisait auparavant. Un homme a perdu sa capacité à parler et à répondre à des questions par courriel. Beaucoup ne peuvent plus se concentrer assez longtemps pour lire, que ce soit pour le travail ou pour le plaisir. Et faire des tâches ménagères un jour où Yael se sente bien peut les faire rechuter et passer la journée suivante au lit. Et beaucoup disent que le fait de développer une maladie chronique sans crier gare a fait dérailler leur plan de retraite, les obligeant à vider leurs économies ou à quitter le marché du travail avant d'être prêt et prête, ce qui a compliqué les situations financières déjà précaires. En effet, en plus des problèmes de santé auxquels les personnes souffrant du Covid long doivent faire face, il y a aussi des enjeux financiers, en particulier pour les personnes les plus âgées. La meilleure idée de la retraite que peuvent se faire les personnes confrontées aux symptômes du Covid long est une idée qui donne à réfléchir. Examinez vos projets et voyez s'ils doivent être changés. Documentez vos symptômes et commencez dès que possible à demander une aide financière si nécessaire. Les conseillers et conseillères financiers de Spencer veulent qu'elle fasse une demande d'assurance invalidité de la Sécurité sociale, là-bas c'est la SSDI, et ils l'avertissent qu'elle sera refusée au moins une fois, peut-être deux, trois fois ou plus, et qu'il est impératif de commencer immédiatement, dit-elle. On peut s'attendre à la même chose en France. Teresa Ghilarducci, économiste du travail à la New York School et directrice du Schwartz Center for Economic Policy Analysis, s'inquiète de l'impact du Covid long sur la retraite depuis le début de la pandémie. La première chose que nous nous sommes demandé, c'est comment cela affecte la sécurité de la retraite des travailleurs et des travailleuses âgées, a-t-elle déclaré. Comment cela va-t-il affecter leur capacité à gagner suffisamment d'argent pour maintenir leur niveau de vie ? A poursuivi Mme Ghilarducci, spécialisée dans la sécurité des retraites. Comment cela va-t-il affecter leur mobilité descendante vers la pauvreté ou la quasi-pauvreté si elles sont des travailleurs et des travailleuses de classe moyenne ? Et qu'adviendra-t-il de leur santé physique et mentale ? Les premières réponses sont troublantes. Le Brookings Institute a publié en janvier une méta-analyse suggérant que le Covid long pourrait tenir plus d'un million de travailleurs et travailleuses à l'écart de la population active à un moment donné, ce qui représente plus de 15% des emplois non pourvus. Un récent portage du Washington Post a également estimé que jusqu'à 1,3 million de patients et de patientes atteints et atteintes de Covid long étaient trop malades pour retourner au travail. Une enquête menée auprès de 4000 patients et patientes atteintes de Covid long, publiée dans la revue médicale The Lancet, a révélé que 46% d'entre elles ont dû réduire leurs heures de travail. Michael Sievert, j'espère ne pas écorcher encore une fois un nom, 60 ans, se préparait à prendre sa retraite de son emploi au gouvernement fédéral avant de développer le Covid en 2020. Il terminait un programme de formation au yoga lorsqu'il est tombé malade. Mais aujourd'hui, Le simple fait de s'asseoir dans son lit ou de se tenir debout l'épuise physiquement. Il ne peut travailler que quelques heures chaque matin depuis chez lui, soutenu par une série d'oreillers. Je ne m'attendais pas à être confiné à la maison si jeune, à cet âge, a-t-il déclaré. Je ne m'attendais pas à ne jamais voyager pendant ma retraite, à ne pas faire de ski, à ne pas jouer au golf, à ne pas faire de yoga. C'est frustrant de s'asseoir et de se dire « Wow !» Je suppose que ça y est. Peu importe ce pourquoi vous pensiez avoir travaillé, vous avez dû tout laisser tomber et le mettre de côté. L'épuisement et le syndrome post-viral ne sont pas une affection humaine nouvelle. Les gens le développent parfois après une grippe, une pneumonie ou un rhume, ou après une infection plus grave comme le VIH. Et certains et certaines développent par la suite une encéphalomyélite myalgique ou un syndrome de la fatigue chronique, EM ou SFC. Mais le Covid long jette un nouvel éclairage sur ce malaise longtemps négligé et incompris et en fait une caractéristique plus fréquente de la retraite. Une analyse de données effectuée par l'organisation indépendante à but non lucratif Fair Health pour Morning Consult a révélé qu'environ 78 000 Américains et Américaines, assurés dans le privé, ont été traités pour une affection post-Covid entre octobre 2021, date à laquelle les autorités sanitaires fédérales ont créé un code de diagnostic pour identifier les patients et patientes atteints et atteintes de Covid long, et la fin janvier 2022. Uniquement. L'administration de la Sécurité sociale nous a déclaré qu'elle avait accepté environ 27 000 demandes d'invalidité depuis le début de la pandémie, qui inclut une mention du Covid d'une manière ou d'une autre, ce qui représentait moins de 1% de toutes les demandes annuelles. L'agence n'a pas précisé combien de demandes mentionnant le Covid-19 ont été refusées. Le Covid long est un événement handicapant de masse. Nous sommes toutes et tous tombés malades en même temps, ce qui nous a permis de déterminer avec plus de précision l'origine de ces symptômes apparemment mystérieux et persistants, car nous avions toutes et tous été infectés par ce virus dont tout le monde parlait, explique Fiona Lovenstein, 28 ans, qui a cofondé le groupe de soutien Covid long en ligne, Body Politic, alors qu'elle cherchait à soulager ses propres symptômes en 2020. Leur prochain livre, The Long COVID Survival Guide, le guide de survie au Covid long, présente les récits et les conseils de 21 autres personnes atteintes de Covid long et d'experts et d'expertes. Il y a un besoin désespéré de soutien financier et d'un moyen de compter les cas du Covid long, ont-ils ajouté. Mais beaucoup de personnes atteintes de Covid long se trouvent dans des communautés mal desservies et marginalisées, qui soit ne peuvent pas accéder à un diagnostic de Covid long et ne peuvent pas accéder aux options de traitement, qui sont encore relativement minimes, soit ne savent toujours pas qu'elles sont atteintes de Covid long parce que les messages de santé publique ne sont vraiment pas là. Mais l'impact du Covid long se fait largement sentir. Brian Whiteson, 49 ans, était un homme de plein air, actif, qui dirigeait trois entreprises, dont deux associations à but non lucratif, à Anchorage, en Alaska, avant d'être hospitalisé pour un Covid en avril 2020. J'ai des employés très patients et patientes, a-t-il déclaré, précisant qu'il a dû confier les rênes à ses adjoints et adjointes pendant la majeure partie des deux dernières années, tandis qu'il s'efforçait de reconstituer ses forces avec une équipe médicale en constante expansion qui comprend désormais un neurologue, une pneumologue, un cardiologue, une ophtalmologiste et une rhumatologue, pour n'en citer que quelques-uns et quelques-unes. Le brouillard cérébral est le pire, a-t-il dit. Le pire jour dont je me souvienne est celui où je suis entrée dans ma cuisine et où une femme inconnue se tenait là. J'ai dit « Qui êtes-vous » Et pourquoi êtes-vous dans ma cuisine? Et elle m'a dit, je suis ta femme depuis 18 ans. Je suis béni d'être mon propre patron, a-t-il ajouté. Qu'est-ce que je ferais si j'avais travaillé pour quelqu'un d'autre? Andrew Gold, 65 ans, chef exécutif et éducateur culinaire de New York, éditait un livre de cuisine et travaillait sur deux autres projets avec des chefs pâtissiers-pâtissières internationaux au début de 2020, lorsqu'il a contracté le Covid-19. Il a développé un syndrome de fatigue chronique et un brouillard cérébral si important qu'il a dû se retirer de ses projets. J'entre dans une pièce et je me gratte la tête sans savoir pourquoi je suis là, a-t-il déclaré. J'ai entrepris plusieurs projets et je les ai abandonnés à cause de mes problèmes de concentration. J'en suis arrivé au point où j'hésite à reprendre du travail. C'est très démoralisant. Il vit de son portefeuille financier et des revenus de sa femme pour aider à couvrir ses frais de subsistance et les quelques 20 000 dollars qu'il a dû débourser pour traiter son Covid long l'année dernière. J'ai eu de nombreuses réunions avec mes gestionnaires financiers et je dois maintenant repenser à puiser dans mon portefeuille financier sans l'épuiser ou en l'épuisant le moins possible, a-t-il déclaré. J'avais prévu de voyager et de continuer à travailler en tant que consultant, mais à l'heure actuelle, malheureusement, l'avenir est un point d'interrogation. Plusieurs personnes atteintes de Covid long, interrogées, ont déclaré qu'elles avaient dû cesser de travailler ou réduire considérablement leurs heures. Elles ont puisé dans leur épargne retraite et elles ne savent pas combien de temps il leur faudra pour se rattraper. Certaines envisagent de mettre prématurément fin à leur carrière. Kim Reeder, 63 ans, agent de santé de Grand Rapids dans le Michigan, a développé un type d'aphasie depuis qu'elle a également contracté le Covid-19 au début de l'année 2020. Si l'aphasie est généralement causée par un accident vasculaire cérébral ou un traumatisme crânien, des cas de patients et patientes atteintes du Covid ont également développé une aphasie ou des symptômes similaires à l'aphasie. Elle avait déjà cessé de travailler à temps plein avant de tomber malade, mais Madame Reeder travaillait encore quelques heures par semaine. Elle avait également voulu devenir assistante électorale, mais le Covid a annulé ses projets. « Je ne me sens plus capable de travailler en public, et cela me rend triste », a déclaré Madame Reeder. « J'essaye de comprendre où je dois aller, ce que je dois faire maintenant. » À 54 ans et vivant à Brooklyn, New York, J.D. Davids ne peut même pas envisager la retraite. En tant que malade chronique et handicapé, je n'ai pas de plan de retraite, a déclaré Davids. Il vivait déjà avec plusieurs maladies chroniques, notamment l'encéphalomyélite myalgique, ou le syndrome de fatigue chronique, avant de développer le Covid long en 2020. Je n'ai pas la capacité d'épargner ou d'investir comme le font beaucoup de personnes de mon milieu social, a-t-il expliqué. Si les gens sont atteints de maladies chroniques importantes, cela devient votre travail. Parce que si votre travail consiste à rester en bonne santé et en vie, alors c'est vraiment un travail à plein temps la plupart du temps. Les personnes souffrant de Covid long disent qu'elles ont souvent eu du mal à trouver des professionnels de santé ou des employeurs qui reconnaissent leurs symptômes ou prennent leur Covid long au sérieux. De nombreuses régions des États-Unis n'ont pas accès à des cliniques spécialisées dans le Covid long et celles qui existent ont des listes d'attente de plusieurs mois. En même temps, la fatigue chronique et le brouillard cérébral dont souffrent de nombreuses personnes atteintes d'un Covid long peuvent rendre encore plus difficile la navigation dans les méandres de la bureaucratie nécessaire pour déposer des demandes de prestations d'individualité ou d'assurance maladie. C'est écrasant de devoir gérer les rendez-vous médicaux, et le simple fait de se rendre chez le médecin quand on ne fonctionne pas à 100% est épuisant, a déclaré Anne Wallace, 52 ans, de Jersey City, dans le New Jersey, une professeure qui souffre du Covid long, ainsi que sa fille en première année universitaire, depuis mars 2020. Elle dit avoir eu 155 rendez-vous médicaux l'année dernière et 100 en 2020. Et depuis que j'ai repris le travail ce semestre, j'ai dû annuler beaucoup de rendez-vous parce que je ne peux pas tout faire, a-t-elle dit. Les jours où je n'enseigne pas, je dois me reposer pour pouvoir récupérer suffisamment pour faire mon travail. Je ne peux pas passer la moitié de mes jours de congé à aller chez le médecin et à m'épuiser à nouveau. De plus, alors qu'elle avait fait de grands progrès dans sa guérison l'été et l'automne dernier, notamment en faisant quelques courses modérées de 5 km, son retour à l'enseignement au printemps 2022 a provoqué une rechute. Le retour au travail a été très dur pour ma santé. Mon cœur s'emballe à nouveau et l'essoufflement est de retour, a-t-elle déclaré. Est-ce que je pourrais travailler jusqu'à l'âge de la retraite? Je ne le sais plus. Madame Gilarducci de la New School a déclaré que les personnes souffrant de Covid long ont besoin d'allocations de chômage prolongées pour leur donner le temps supplémentaire dont elles ont besoin pour se rétablir et reprendre le travail, en particulier les personnes de plus de 50 ans qui sont à l'aube de la retraite. Si vous pouvez les maintenir sur le marché du travail et si elles peuvent gagner plus de crédits de sécurité sociale ou épargner un peu plus pour leur retraite et ne pas vider leur compte de retraite, alors vous allez empêcher des millions de personnes de sombrer dans la pauvreté à un âge avancé, a-t-elle déclaré. Nous devons donc aider les employeurs et les encourager à embaucher des travailleurs et des travailleuses plus âgés, et nous pouvons le faire en abaissant l'âge de l'assurance maladie. Le Medicare, le système assurance santé, géré par le gouvernement fédéral des États-Unis au bénéfice des personnes de plus de 65 ans. Selon Mme Gilarducci, les programmes d'assurance invalidité de la sécurité sociale, de la SSDI, et de revenus complémentaires de sécurité, SSI, doivent se préparer à l'arrivée de nouvelles vagues de personnes atteintes de Covid long demandant ces prestations. Les programmes d'invalidité professionnelle des États-Unis doivent également se préparer. Depuis juillet 2021, le Covid long peut être considéré comme un handicap en vertu de l'American with Disabilities Act. Selon les nouvelles directives, une personne atteinte de Covid long a un handicap si son état ou l'un de ses symptômes constitue une déficience physique ou mentale qui limite considérablement une ou plusieurs activités majeures de la vie, comme prendre soin de soi, effectuer des tâches manuelles et travailler, entre autres. En avril, l'administration Biden a ordonné au ministère américain de la Santé et des Services sociaux d'élaborer un plan d'action national pour faire face à la crise sanitaire du Covid long. Il s'agit notamment de développer la recherche, les soins et les services d'invalidité pour les personnes souffrant d'affections post-Covid en investissant 20 millions de dollars l'année prochaine pour étudier comment les systèmes de santé peuvent aider au mieux les personnes souffrant de Covid long, encadrer les pratiques de soins primaires et développer des cliniques multispécialisées à travers le pays comme le rapporte Reuters. Le plan de la Maison-Blanche alloue également 25 millions de dollars supplémentaires au CDC pour mieux comprendre les Covid longs, ainsi que pour ajouter des programmes de Covid longs aux 18 établissements du département des anciens combattants qui les proposent déjà. Mais si ces mesures vont dans le bon sens, de nombreux et nombreuses patients, patientes atteints et atteintes de Covid longs ont encore du mal à obtenir des soins médicaux ou à accéder à des prestations d'invalidité à l'heure actuelle. L'avocate Stephanie Mitchell Hughes, 59 ans, de Columbus, dans l'Ohio, a presque épuisé le congé d'invalidité de courte durée rémunéré auquel elle a le droit en tant qu'agent d'audience administrative pour la ville. Elle souffre de troubles cognitifs et d'une fatigue étouffante, dit-elle, depuis qu'elle a contracté le Covid en décembre 2020. Son employeur lui a demandé de faire une demande de retraite pour invalidité, car il devient de plus en plus évident qu'elle ne pourra pas revenir au travail. « Je ne peux pas vraiment me permettre que cela me tombe dessus maintenant », nous a dit Madame Hughes. Elle a appelé le système de retraite de l'emploi public et a appris qu'elle ne recevrait que 30 à 40% de sa prestation de retraite si elle prenait sa retraite à 59 ans. « Je ne suis pas assez âgée pour bénéficier du Medicare et je dois payer ma propre assurance maladie », a-t-elle déclaré. « Et je ne suis pas prête à prendre ma retraite. J'aimerais qu'ils accordent plus de congés maladie Covid, afin que je n'aie pas à m'inquiéter de ne pas être payée. Je veux juste me concentrer pour essayer d'aller mieux. » Le docteur David Putrino, qui travaille au Mount Sinai Center for Post-Covid Care à New York, a déclaré que le gouvernement doit renforcer le soutien au Covid long. Pour M. Putrino, la situation actuelle concernant le Covid long rappelle les années qu'il a fallu aux entreprises pour respecter l'Americans with Disabilities Act de 1973, qui interdit la discrimination à l'égard des personnes handicapées en matière d'emploi et d'accès aux programmes et services des gouvernements locaux d'État. Selon lui, il y a aux États-Unis des millions de personnes souffrant du Covid long, incapables de travailler, qui ont besoin de soins. Et elles se retrouvent avec de lourdes factures parce que leurs assureurs refusent de payer, ce qui aggrave leurs difficultés. Les répercussions sur les finances et la retraite des individus et de la nation sont sombres, a ajouté M. Putrino. Nous avons encore des assureurs qui refusent de couvrir la réadaptation. Ils disent que la réadaptation n'est pas un traitement approuvé, ce qui est une faille écœurante, mais ils l'utilisent pour refuser des soins aux gens parce qu'ils ne veulent pas payer, a dit M. Putrino. Ce qui nous attend en ce moment, c'est que les assureurs remboursent ce qu'ils veulent et que les employeurs disent « Je ne crois pas que vous ayez un Covid long, prouvez-moi que vous avez un Covid long » et qu'il n'y ait aucune conséquence à ces comportements. De nouveau à Brooklyn, Davids nous dit que les programmes d'invalidité, tant les programmes publics que ceux gérés par les assureurs privés, sont conçus pour essayer d'éliminer les tricheurs plutôt que de servir les personnes dans le besoin. Pardon, je voyais tous les trucs s'imbriquer là, c'est... Bref. Pour être éligible aux politiques d'invalidité actuelles de la Sécurité sociale, par exemple, une personne doit avoir une condition médicale ou une combinaison de conditions qui l'empêche de travailler et qui devrait durer au moins un an ou entraîner la mort. Mais le Covid long est une toute nouvelle maladie et il est impossible de savoir combien de temps ces symptômes du Covid long peuvent durer. De plus, de nombreuses personnes atteintes du Covid long connaissent une invalidité intermittente. Leurs symptômes vont et viennent, entraînant certaines périodes de limitation physique ou intellectuelle plus prononcées que d'autres. Ils sont capables de mener leur activité un jour, mais sont tellement épuisés qu'ils sont cloués au lit le jour suivant, ou plus longtemps encore. Si les gens sont capables d'améliorer leur situation à un certain moment, cela peut être considéré comme une preuve qu'ils et elles ne devraient pas bénéficier de prestations et qu'ils et elles devraient se replonger dans leur charge de travail plutôt qu'une preuve que les prestations fonctionnent dans la mesure où elles leur permettent de se reposer et d'avoir une meilleure qualité de vie, a déclaré M. Davids. Il a ajouté que nous avons besoin immédiatement de ressources financières pour les personnes handicapées et les maladies chroniques, y compris pour les soins à domicile. Le récent rapport de la Brookings Institution sur le Covid long et la pénurie de main-d'œuvre a également fait appel au Census Bureau et au Bureau of Labor Statistics pour collaborer avec les National Institute of Health afin d'effectuer des recherches sur le Covid long et de déterminer le nombre exact de travailleurs et de travailleuses à temps plein qui ont dû cesser de travailler en raison du Covid long, y compris celles qui ont des horaires réduits. Il a également suggéré d'identifier les aménagements du lieu de travail comme les horaires flexibles et l'autorisation du travail à distance pour permettre aux patients et patientes atteints et atteintes de Covid long de travailler tout en conservant leur force, ainsi que de procéder à un audit des demandes, des approbations et des rejets de l'assurance invalidité de la sécurité sociale parmi les patients et patientes atteints et atteintes de Covid long. Ces mesures pourraient contribuer à combler le manque de données sur le nombre de personnes qui ont été contraintes de quitter le marché du travail en raison du Covid long et qui, ce faisant, ne sont pas en mesure de financer leur retraite. N'oubliez pas que des fonds de recherche doivent être consacrés au Covid long, a déclaré Monica Verdusco Gutierrez, le médecin spécialiste de la réadaptation. Nous avons fabriqué des vaccins Covid si rapidement, ce qui était merveilleux. Nous avons fait les études sur les remèdes et les anticorps monoclonaux si rapidement. Maintenant, nous devons mener des études sur les patients et patientes atteints et atteintes de Covid long. Les gens veulent oublier le Covid rapidement, mais c'est définitivement un problème de santé publique à long terme. Voilà, c'est la fin de cet article traduit par Cabriole 12, Cabriole, le carnet de recherche pour l'autodéfense sanitaire face au Covid-19. La publication originale date de 19 mai 2022 et c'était publié chez MarketWatch. Vous pouvez retrouver les publications de Cabriole 12 sur leur blog, dont je mettrai évidemment l'adresse complète dans la description de ce texte. C'est Cabriole au pluriel chez Substract. Pardon, c'est tellement... Tous les liens sont désormais avec des traceurs immenses dans tous les sens. Ça devient infernal de choper des adresses simplement. Pardon. Donc, je disais, c'est sur le site, donc sur le blog cabriole.substack.com. Donc, ça s'écrit substack.com pour ce qui concerne le blog. Petite note supplémentaire, en fait, là, le texte parle essentiellement de personnes qui travaillent et qui donc ont des revenus. Et dans un pays comme les États-Unis, qui est un pays quand même relativement puissant, très puissant en fait. Et donc une fois de plus, on se base sur le minimum du minimum des pays les plus puissants ou ayant des... ressources, enfin en tous les cas exploitant des ressources surtout. Mais une fois de plus, l'inquiétude est aussi pour les pays qui n'ont pas toutes ces ressources, enfin qui ont les ressources mais qui... Oh, je sais pas comment exprimer le truc, je pense que vous voyez ce que je veux dire, c'est que c'est flippant tout ça, vraiment. C'est flippant parce qu'il y a des gouvernements et des politiques auxquelles on délègue nos décisions, qui nous entraîne dans un productiviste effréné alors que tout s'effondre. Et je comprends pas qu'on ne freine pas tout ça. Je comprends pas qu'on fonce tête baissée. J'ai l'impression qu'il y a une sorte de conscience collective que ça s'effondre et que tout le monde fonce en avant en disant pour l'instant ça me touche pas, pour l'instant ça me touche pas, pour l'instant ça me touche pas, mais si, ça touche tout le monde déjà, en fait, même les personnes qui n'ont pas de Covid long ou même les personnes qui ont été échappées au Covid, ça nous touche déjà, en fait. Du coup, je pige pas. Mais j'espère vraiment un sursaut de conscience collective, de solidarité collective. J'espère vraiment qu'on va... se serrer les coudes et réussir à piger ce que ça implique parce que ça craint un eugénisme autant internalisé, c'est vraiment flippant quoi. Voilà, je vais arrêter là. À bientôt, bon courage, au liqueur, on va y arriver, hein, de toute façon. Et puis, oui, à bientôt, au revoir.